Situation 2. J'ai besoin d'un livre. Oui, bonjour. C'est pour une inscription, s'il vous plaît. Bonjour. C'est une première inscription à la médiathèque ?